En Corée, la nouvelle pièce de théâtre « La neige rouge tombe » se déroule en grande pompe au Théâtre dramatique d'État. Cette pièce de théâtre est constituée de préludes, de 6 scènes et de scènes finales. Elle montre l'exploit des cadres et des ouvriers du complexe sidérurgique Fanghe qui ont perfectionné le système de production de fer Tzu-tse.